Chapitre 236. Le mérite d'affranchir les esclaves. Allah Ta'ala dit: Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug, affranchir un esclave. Sourate 90, versets 11 à 13. 1358. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui a dit: Quiconque a franchi un esclave musulman, Allah sauvera de l'enfer l'un de ses membres, pour chaque membre, y compris le sexe de l'esclave affranchi. Al-Bukhari et Muslim. 1359. Abu Dharr radiyallahu anhu rapporte avoir demandé au messager d'Allah alayhi salatu wassalam: Quelle est la meilleure des œuvres? Il répondit: La foi en Allah et le combat pour sa cause. Il l'interrogea alors sur l'esclave dont l'affranchissement est le mieux récompensé. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, l'esclave qui a le plus de valeur aux yeux de son maître et dont le prix est le plus élevé. Al-Bukhari et Muslim. 1360.